À l'occasion du 85e anniversaire de la fondation de l'Héroïque Armée Populaire de Corée, l'Association de Tradition de l'Armée Populaire de Pologne a conféré l'Ordre de la Croix d'honneur de l'Armée Populaire de Pologne au dirigeant suprême Kim Jong-un. L'ordre et le certificat ont été transmis le 12 avril à l'ambassadeur coréen en Pologne. Le certificat note qu'on décerne l'ordre de la Croix d'honneur de l'Armée populaire de Pologne au maréchal Kim Jong-un, commandant suprême de l'Armée populaire de Corée, à l'occasion du 85e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de Corée par le camarade Kim Il-sung, généralissime de la République populaire démocratique de Corée.